J'écrase mon cœur sur la tribune. J'ai l'attitude de l'altitude. J'oublie mon sol, ma solitude. Statue enveloppée d'un voile. Grand rue parsemée d'étoiles. Le ciel est son temple. Et je la contemple par l'objectif de ma lunette cassée. Je dévisage la lune. Et la lune a des visages. L'œil de la nuit perle et me poursuit. L'infirmament n'est plus. J'ai tué l'étoile du jour. J'ai tué l'étoile du jour. Dévêtue ainsi nue. C'est un déjeuner sur l'air. La lune est seule et à froid. La reine du ciel est sans roi. Par l'objectif de ma lunette cassée. Je dévisage la lune. Et la lune a des visages. J'explore son nu polaire. Elle rougit, n'apprécie guère. Et s'en mitoufle dans la laine du ciel. Tissée selon la toile du berger. J'ai tué le siècle de la lumière. Soutenu ta révolution. Fais de toi l'héritière. Des étoiles et de l'étoile. Par l'objectif de ma lunette cassée. Je dévisage la lune. Et la lune a des visages. Par l'objectif de ma lunette cassée. Je dévisage la lune. Et la lune a des visages.